m'a dit que ses goûts étaient restés les mêmes, qu'il n'aimait pas beaucoup les amoureux sans peine. Quand il a su feuilles mortes dansent.